Méditation guidée pour se libérer des ombres de la peur. Respirez profondément et décidez maintenant de laisser un nettoyage s'opérer en vous et aussi de reprogrammer votre inconscient tout en étant conscient. Lors de cette méditation, nous allons nous permettre de nous libérer de nos peurs en les libérant de notre emprise. Permettez-vous un lâcher-prise profond en toute confiance. Et pour cela, nous allons rejoindre un endroit dans lequel vous vous sentez en sécurité. Un endroit que vous connaissez déjà ou que vous allez peut-être découvrir. Je vous proposerai des éléments et vous resterez libre de les transformer pour votre plus grand bien. Veillez à vous sentir détendu dans un état de bien-être grandissant. Accordez votre attention sur votre respiration. L'air qui entre et sort par les narines ou par la bouche. Observez le rythme de votre respiration. Rythme régulier et tellement rassurant. Les épaules se soulèvent et se rabaissent. La poitrine se gonfle et se dégonfle. Tandis que tous les bruits extérieurs vous invitent à entrer plus profondément en vous. Une vague de chaleur se glisse sous vos pieds et votre coccyx. C'est l'énergie de la terre qui remonte en vous. C'est comme si vous étiez un arbre et qu'elle remonte par des racines solides et épaisses. Sentez le calme s'installer lentement dans chacune de vos cellules au fur et à mesure que cette vague de chaleur remonte dans votre corps, telle la sève qui vous nourrit, qui réconforte, qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin ici et maintenant. Respire profondément. Laisse passer les pensées qui passent telles des nuages que tu vois passer. Et je te laisse quelques instants pour ressentir cette chaleur bienveillante t'envelopper le corps entier, jusqu'au-dessus du sommet du crâne. Quand tu es dans le présent comme maintenant, tu es en sécurité. Il me suffira de te le demander et tu reprendras contact facilement avec notre réalité physique. Reste dans ce présent réconfortant, dans ta dimension intérieure. Maintenant, visualise un chemin que tu empruntes et qui te donne accès à un endroit dans lequel tu te sentiras en sécurité. Cela peut être un autre endroit que ton espace idéal de relaxation. Il s'agit d'un endroit sécure. Et tu sais qu'en te rendant dans cet espace de bien-être, tu te permettras un total lâcher-prise puisque tu seras en confiance. Accède à cet endroit maintenant. Prends le temps de t'installer dans cet espace. Si tu ressentais un quelconque malaise, il te suffit de faire une rotation de 180 degrés et ton inconscient te présentera un nouvel endroit sécure. Maintenant, plus tu prends place dans cet endroit bienfaisant et plus tu ressens le calme nécessaire pour opérer un changement profond en toi. Tu as compris que c'est à toi que revient la responsabilité de libérer tes peurs. Tu as compris que c'est ce qui était le mieux à faire pour ton plus grand bien. Quand je te le dirai, tu feras entrer une part de toi-même dans ton endroit sécure. C'est la part qui te protège, qui veille sur toi, qui sent le danger réel. Avec beaucoup d'amour, lève-toi. Et fais entrer la part, cette partie de toi, dans ton endroit, et découvre l'amour dont elle fait preuve pour te préserver de la souffrance. Demande-lui alors de t'aider différemment à partir de maintenant. Demande-lui, avec tes mots, de faire preuve de discernement et de te montrer les réels dangers, non ceux perçus par ton ego dominant. C'est une partie de toi. Prends le temps nécessaire pour la réconforter, pour lui rappeler ton amour et toute ta gratitude. Voilà. À présent, tu peux la laisser repartir ou la garder près de toi, comme tu veux. À l'extérieur de ton endroit sécure, il est temps de nettoyer, de libérer les peurs. Sors de cet endroit et vois comment tu t'es retrouvé attaché à une multitude de silhouettes sombres ou autre chose qui symbolise tes peurs. Respire profondément pour être conscient du nettoyage qui s'opère. Et coupe tous ces liens d'attachement maintenant, quels qu'ils soient. Tu disposes de tous les outils nécessaires pour les libérer. Coupe. Scie. Déchire. Détache, libère toutes ces silhouettes de ton emprise. Tu as choisi de les libérer, de te libérer d'elles dans le respect de toi-même, pour ton plus grand bien. Tu as choisi de te détacher ainsi d'une situation problématique. Tu prends de la distance et tu te permets alors de comprendre les liens des réalités qu'il t'était difficile et même impossible d'entrevoir jusque maintenant. Les silhouettes ou ces autres choses qui représentent tes peurs s'éloignent de toi et tu retrouves ta force intérieure et tu renforces ton intuition dans le discernement et tu te fais confiance. Regarde à tes pieds si des paquets y ont été déposés, car certaines de tes peurs ont peut-être déposé des messages que tu ouvriras plus tard. Tu accueilles et accueilleras ainsi les parts d'ombre de toi-même avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Tu te libères de toute peur, de toute entrave, pour permettre à la stabilité et à la sécurité d'entrer dans ta vie. Et tu te libères des croyances limitatives. Et tu te libères des filtres qui altéraient ta réalité. Et tu te libères des peurs pour être dans la joie et même dans l'amour. Profite de cette liberté intérieure qui te donnera la force d'agir à l'état d'éveil. Cette liberté intérieure qui te guidera vers de meilleurs choix. Ressens alors la gratitude dans un profond recueillement. Et laisse faire quelques instants. Tu vas bientôt sortir de cet état méditatif. Il te sera désormais possible de retourner dans ton endroit sécure à chaque fois que tu le désires, à chaque fois que tu souhaites ressentir la sécurité en toi pour faire remonter la force et la confiance en toi. Tu pourras aussi à nouveau couper ces liens d'attachement avec toutes les peurs qui t'empêchent d'avancer sereinement. Revenez maintenant sur votre respiration consciente et ressentez à nouveau la vague de chaleur qui enveloppe toujours votre corps. Et au fur et à mesure qu'elle redescend, reprenez contact avec chacune des parties de votre corps physique. La tête, le cou, les épaules et les bras, les mains, la poitrine, le torse, le ventre et le dos. Le bassin, les cuisses, les genoux et les jambes. Et les pieds. Prenez trois profondes respirations à votre rythme. Et ouvrez les yeux pour revenir à la pleine conscience de notre réalité physique. Merci.